Tantôt, Daniel, tu as mentionné que tu voulais qu'on reparle à cette partie des hiérarchies cosmiques. Oui, mais tu étais supposé oublier. Mais avant d'entrer dans la hiérarchie cosmique, j'aimerais à ce que tu nous situes approximativement en fait de temps. Quand est-ce que le premier plan a commencé à se former? Si on regarde les sept plans les sept démarcations qu'on utilise présentement. Bon. Mais pour faire simple, on peut considérer qu'à partir du chronomètre zéro, aller jusqu'à quelques... pas tout à fait une seconde. On a l'apparition et l'instauration complète du plan divin. L'instauration complète. Sauf que le plan divin, lui, commence un peu avant le zéro, en réalité. OK. Mais on va considérer le zéro parce que ça fait partie de ce qui est extérieur à la création. J'ai une question sur le plan divin. Il est contenu dans quoi, au juste, à ce moment-là? Il est le contenant. Il est le contenant. Il est contenu dans rien parce que le plan divin, c'est... Parce que je vais le dessiner, le plan divin. Ouais. Faut pas que je manque mon coup parce que un plan divin. Là. Voici le plan divin. Ça, c'est la création. On en fait une sphère présentement. Oui, il faut penser à bien des choses. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le trou qui est ici, c'est par ici que rentrent les sources créationnelles. Puis à partir du point ici, on appelle ça, le en termes de temps zéro, c'est pour les astrophysiciens le début du Big Bang. Et ça se ferme. Qu'est-ce que c'est que le plan divin? Le plan divin, c'est tout, c'est la couche intérieure à la création, mais c'est aussi la couche extérieure à la création, c'est le contenant. Mais le plan divin devient donc aussi de la matière pour l'intérieur, même si c'est le contenant. Puis au fur et à mesure que le plan divin, que tu traverses le plan divin, tu t'en vas vers l'extra-créationnalité, donc il n'y a rien ici. Puis progressivement, plus tu te rapproches de l'intérieur, plus tu peux concevoir l'idée de la création. Mais le temps reste un processus qui consciemment unit le passé, le présent et l'avenir à ce niveau-là. Alors ici, on est à, disons, 0 seconde, aller jusqu'à 0.2 seconde à peu près, tu as l'apparition du plan divin. Qui est complété. Qui est complété. Est-ce qu'il y a eu des changements depuis ce temps-là? Dans le plan divin? Oui. Dans la création, il y en a eu un peu. Dans le plan divin, changement, non. OK. Est-ce qu'il y avait de l'intentionnalité? Mais pourquoi il n'y a pas eu de changement de plan divin depuis le début? Pourquoi? Parce que c'est le seul plan qui unit le passé, le présent et l'avenir. Donc, il ne peut pas y avoir de changement là-dedans. OK. Ah, vous n'écoutez pas. Je l'avais dit. Une autre colle? Est-ce qu'il y a, en dehors de l'homme, l'homme n'existe pas, là. Est-ce qu'il y a... non! Est-ce qu'il y a du pouvoir? Est-ce qu'il y a une intentionnalité? Pouvoir et puissance. Le pouvoir, c'est de la puissance égoïquement exprimée par l'homme. Autrement dit, la puissance musculaire va faire que tu peux casser quelque chose. Le pouvoir va faire que tu vas le casser pour prouver à tout le monde puis te prouver à toi que tu es bon. C'est pas de ce pouvoir dont je parle. Tu parles du pouvoir en termes anglais. Énergie, oui. Puissance, oui. Motricité, du pouvoir dans une automobile. Ça. C'est ça. Une automobile n'a pas de pouvoir en français. Ça, c'est quoi en français? C'est puissance? Force. Force. Avoir du power. C'est ça. Pas de la force. C'est ça. Bon, à cette époque-là, ici, l'intentionnalité, il faut faire attention. L'intentionnalité, qu'est-ce que c'est? L'intentionnalité, c'est... L'intentionnalité, c'est du point de vue humain, c'est la capacité qu'on aurait, qu'on devrait avoir de pouvoir changer les choses en fonction d'une intention, donc en fonction d'une volonté. Oui, mais c'est pas donné à l'homme. C'est pour ça que c'est difficile quand tu prends l'exemple de l'homme pour l'exprimer. Parce que l'intentionnalité à ce niveau-là ici, actuellement, comme un bloc, 15,6 milliards d'années, 14, c'est la même chose, 14,6 milliards d'années, c'est la même chose. à ce niveau-là, l'intentionnalité, c'est quelque chose qui ne peut pas être compris par la cérébralité de l'homme. Pourquoi? Parce que l'être humain va personnaliser automatiquement la mécanique. En personnalisant la mécanique, l'être humain va faire des parallèles puis va essayer de comprendre que l'intentionnalité devrait normalement découler d'une action qui était là avant. Si on change le mot intentionnalité pour puissance de volonté non intentionnelle. OK, mais on revient un peu à la même chose, c'est que s'il y a de l'intentionnalité ou de la puissance de volonté non intentionnelle, on aurait la question, alors pourquoi? Et ça, là, c'est parce que là, on fait des parallèles humains. S'il y a une intentionnalité créationnelle, pourquoi avons-nous, pourquoi ont-ils créé l'univers? Il n'y a pas d'intentionnalité là. La création au complet est un phénomène accidentel. Du point de vue de l'extérieur de la création, c'est un phénomène intentionnel du point de vue de l'intérieur de la création. La raison pour laquelle que je te pose cette question-là, c'est que pour moi, pour qu'il y ait réellement divinité, il faut qu'il y ait absolument pouvoir intentionnel. Bon, force puis intentionnalité. Force, intentionnel. Volonté peut être similaire, la force de la volonté. Oui. Bon. Puis tu dis que le plan est complet à ce moment-là. Alors, pour que j'accède à ça, il faut qu'il y ait... Je vais vous fournir un télescope. Voici un agrandissement. Ici, il y a intentionnalité, c'est l'intérieur de la création. Ici, plus tu vas monter, moins tu as d'intentionnalité, puis rendu ici, c'est un accident. Le terme accident est le terme humain le plus juste pour définir la vision extra-créationnelle de la mécanique créationnelle. Maintenant, à l'intérieur de la création, tu as l'illusion d'intentionnalité. L'intentionnalité veut dire qu'il y a une intention. S'il y a intention, il y a donc capacité d'expression de volonté, donc il y a force. Maintenant, tout ce qui provient ici, et il y a intentionnalité, il y a effectivement divinité comme tu parles, mais tout ce qui vient ici, du point de vue humain, est intentionnel. Du point de vue absolu, c'est réactionnel. Il arrive simplement ceci. La partie qui est l'enveloppe interne de la structure créationnelle, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie qui n'est pas limitée par la quadrature spatio-temporelle, donc ce n'est pas de l'énergie photonique, lumineuse, neutrinique, etc. Cette énergie-là, on va l'appeler énergie quand même. Cette énergie-là, ici, elle a de la conscience. On peut parler de supraconscience, elle a une conscience extraordinaire. Et cette conscience-là fait en sorte qu'elle a la capacité, disons, on parle de Dieu, mais au niveau du plat divin, ici, Dieu a la capacité de comprendre ce qui se passe de l'autre côté. Donc, Dieu sait très bien que tout ce qui est là, ainsi que lui, fait partie d'un accident. Alors, intentionnellement parlant, il va engendrer les autres couches pour pouvoir aller jusqu'à la création d'unités carbone ascensionnelles, des véhicules capables de recevoir une parcelle de lui, donc de la conscience. L'être humain en est un prototype intéressant. Et pour engendrer une mécanique, il va faire en sorte de résorber, donc d'éliminer totalement le phénomène accidentel. De ce point de vue-là, la couche ici devient intentionnelle pour l'homme. C'est pourquoi l'homme, à travers ses contacts sphériques, outrosphériques, va dire « c'est le plan divin ». Ou c'est le plan de l'intentionnalité, ça c'est mon langage à moi. Bon, alors c'est le plan divin, le plan de l'intentionnalité, parce que ça a l'intention, la force, la volonté, et ça a d'autres phénomènes, de pouvoir bouger l'intérieur de façon de faire en sorte que tout ce qui est là finisse par se fusionner au complet pour, disons, disparaître dans le sens créationnel, mais pour revenir à sa place dans le sens absolu. Alors l'intentionnalité, c'est pas... S'il y a une intentionnalité dans Dieu, c'est pas pourquoi tu nous as créés. Mais pourquoi tu nous as créés, c'est facile à dire, c'est parce que j'ai besoin de vous autres. Mais pourquoi Dieu a-tu créé le cosmos, la création? Et Dieu va répondre, je n'ai pas créé la création, mon intentionnalité n'est pas dans la création, mais dans la résorption. Alors un humain qui ne comprend pas dirait dans la destruction. Dieu, son intentionnalité, c'est de détruire la création, alors que l'homme pense que Dieu, dans son intentionnalité, c'est d'avoir créé la création. Parce que c'est renversé. Oui. Et là, l'homme va dire toujours, oui, mais pourquoi il nous a créés alors si mauvais, si pauvre, si mal à manger, si, si. Non, Dieu n'a pas créé la loi qui va régir les mécaniques d'effusion, qui vont être les lois régissant les mécaniques de création des véhicules, donc des êtres humains. Ce n'est pas l'intentionnalité ici. L'intentionnalité n'est pas de faire souffrir l'humain. L'intentionnalité est de créer des mécaniques dans la création qui vont permettre à la conscience, donc à Dieu, à l'intentionnalité, à l'intelligence, de pouvoir descendre à travers tout ce qui aura été créé, les quatre dimensions. Tu disais souvent qu'il faut rendre la matière lumineuse, il faut que la lumière, la matière puisse devenir lumière. C'est ce que ça va faire. Mais ça va le faire sans l'expérience des véhicules qui vont être subséquemment créés, c'est-à-dire que lui ici, on dit lui, hein, on s'entend bien tout le monde, c'est juste une feuille de papier, ça là. Bon, on dit lui ici va créer une hiérarchie et va mandater la hiérarchie. La hiérarchie a la capacité de comprendre ce que le patron dit, mais elle a la capacité de parler la langue du peuple en bas. Mais le patron ne peut pas parler la langue du peuple. Eux autres vont créer une autre sous-hiérarchie, et cette sous-hiérarchie-là va dépendre de la première, puis là, maintenant, ça en vient jusqu'à l'homme. Alors, ce qui fait souffrir l'homme, ce n'est pas la première hiérarchie, c'est quelque part là-dedans quelque chose qui ne comprend pas le processus de l'homme. Oui. C'est parce qu'il n'est pas apte à détecter vibratoirement ce qui se passe en haut. Présentement, il peut parce que moi, je suis en contact avec, puis il y en a quelques heures rares. Il y en a pas quelques, okay. Mais je ne suis pas tout seul. Maintenant, ceci étant établi, le plan numéro 2, qui est le plan bouddhique, j'imagine, oui. A suivi. Oui. Est-ce qu'il est accolé à l'extérieur? Oui. Non. Avec... Le plan bouddhique, si on reprend ici, si on s'éloigne un petit peu, le plan bouddhique va faire partie de ce qui va être ici. Il est à l'intérieur. Donc, il est à l'intérieur du plan créationnel. Et je dis création parce que c'est la seule action que le phénomène et que le processus est connu. Le plan bouddhique est à l'intérieur, il est accolé au plan divin. Et il est accolé, c'est la hiérarchie qui a été créée par la suite par le plan divin. Le plan bouddhique, Bouddha n'a rien à voir là-dedans. Le plan bouddhique, c'est le plan de l'amour gratuit, c'est-à-dire, c'est un plan de créativité. C'est à partir de ce plan-là, on est à quelques secondes de la création, c'est à partir vers la fin du plan bouddhique, c'est à partir de ce plan-là que va être engendrée la naissance des soleils, que va être engendrée la naissance de la quadrature, donc spatio-temporelle, les quatre dimensions, qui vont régir par la suite la création des corps, donc des soleils, des planètes, beaucoup plus loin. Les planètes vont apparaître à travers le plan de l'intelligence. Et c'est à ce moment que le plan divin, pour la première fois, pénètre dans un autre plan. Pénètre, il faut s'entendre, c'est une excroissance du plan divin, mais disons, a accès par plan interposé à quelque chose de plus central dans la création. À son... Il peut s'expandre. Oui, à son expansion. Au grand plaisir des astrophysiciens. Okay. Maintenant, il est à l'intérieur, mais il n'est pas à l'extérieur, le plan bouddhique. Non. Okay. Après, c'est le plan... Le plan supramental. Supramental. Le plan supramental va donc apparaître par la suite ici, puis c'est à travers ce plan-là qu'on va pouvoir voir la naissance des planètes. C'est-à-dire que les soleils vont être capables d'avoir des dimensions plus respectables. Notre soleil, si mon crayon ici, si la tête du crayon ici, c'est notre soleil, comparé à une géante rouge, toute la place, pas la salle, toute la bâtisse ici au complet est l'équivalent d'une géante rouge à côté de notre soleil. Puis une supernova, bien, si ça, c'est une géante rouge, une supernova est l'équivalent encore de la place par rapport à ça. Fait que le soleil est rendu microscopique ici à côté. Alors, je parlais donc de créer des soleils décents. C'est quand on parle des dinosaures, on se demande comment ça fait qu'ils ont créé des si grandes bébites. Ils n'ont jamais rien vu, les supernovas, ils ont fait. Alors, par la suite, au niveau du plan supramental, le plan de l'intelligence, va apparaître la gestion de création de soleil décent, permettant la prolifération des ectoplasmes, des belles un peu partout, qui vont devenir soit des planètes, soit des lunes, soit des météorites, soit des comètes, soit etc. OK. Le plan, pour que le plan supramental se crée, est-ce qu'il a fallu que le plan bouddhique soit complété? Non, mais il était presque complété. À ce moment-là, les hiérarchies cosmiques du plan bouddhique étaient en place. La majorité, oui. Est-ce que... Toutes les hiérarchies de fusion étaient en place. Présentement, il y a des hiérarchies dans le plan bouddhique qui sont en train de finir de s'installer. C'est pourquoi elles étaient, c'était presque complété, mais ce n'était pas, c'était pas nécessaire qu'elles soient complétées pour la création du clan supramental. Et présentement, parce qu'il y a des êtres humains qui sont en train de vivre une ascension, il y a des dernières pour permettre la fusion, toutes les hiérarchies devaient être prêtes à la création du plan supramental. Parce que maintenant, il y a fusion à travers les corps, plutôt que effusion, qui est l'inverse de la fusion. Il y a des plans au niveau des îles, il y a des hiérarchies au niveau du plan bouddhique qui sont en train de s'installer. Alors, ils font partie de la création, eux autres aussi. Ils font partie de l'évolution de la création. Ils font partie de la destruction. De ils destruction font partie de la résorption. Qui, c'est moins terrible pour les égaux. Qui, dans le fin fond, est évolution. Et conscientisation. Ben, ça veut dire qu'évolution... Je ne parle pas de l'homme. Non. Moi, je ne suis pas rendu à l'homme encore. Je parle dans l'ensemble. Maturation, on va dire. C'est mieux qu'évolution. OK, maturation. Et puis, le plan supramental, c'est pas terminé, mais il s'est maturé, il est devenu mature suffisamment pour être en mesure d'engendrer le plan suivant, qui est le plan astral. Plan à quel moment, le plan mental, à quel moment à peu près? Le plan mental, c'est tout nouveau. Ça. Là, on parle de... La finition du plan supramental. Bon, le plan mental apparaît du point de vue énergétique, évidemment. Le plan mental apparaît, il y a de cela approximativement 4,6 milliards d'années. C'est tout récent. Okay. Lorsque le plan mental devient mature, on a 20 boutiques supramentales, on a trois plans qui sont au-dessus de ce plan-là. Nécessairement, il a fallu, ça a pris, ils ont engendré, c'est-à-dire qu'ils ont créé un plan vibratoirement inférieur à leur plan. Ce qui leur donne compréhension normalement, à ces niveaux-là, total de ce qui se passe vibratoirement plus bas. Bon, oui que... et non. OK, explique. Le plan d'intentionnalité a la capacité de comprendre une partie du plan bouddhique. Le plan bouddhique, qui a la capacité d'autogestion, va finir par s'auto-engendrer vers l'approche du plan supramental. Et là, la partie du plan intentionnel ne sait pas ce qui se passe à ce niveau-là. Quand le plan supramental apparaît, il y a une partie du plan bouddhique qui comprend le plan supramental, mais la partie du plan intentionnel, elle, n'a pas de relation avec le plan supramental. À ce moment-là seulement? La seule petite relation qu'il va y avoir, c'est une trace qui provient du Big Bang, pas un Big Bang, mais de la sortie. Une toute petite trace, un petit filament qui, lui, est étiré à travers la création et qui va aller rejoindre jusqu'à la tombe même de la matière. Et ce petit canal-là, ici, s'appelle ajusteur de pensée. C'est le seul phénomène qui a la capacité d'amener à la conscience de l'homme une version déformée, mais une version de ce que c'est que le plan d'intentionnalité. Puis du plan d'intentionnalité, tu as la capacité de rejoindre l'extra-créationnalité quand tu es suffisamment centré dans ta conscience, donc dans ton intelligence. L'ajusteur de pensée, c'est un canal qui permet la création d'un double, donc d'une excroissance du canal qui va être le double éthérique, qui permet de devenir un transport séraphique, c'est-à-dire que séraphique veut dire au-delà de la quadrature spatio-temporelle. Un transporteur séraphique n'est pas limité par la courbure, par la géométrie spatiale actuelle. Alors, l'être humain qui a un ajusteur de pensée, tout le monde a des ajusteurs de pensée, mais l'être humain qui a un ajusteur de pensée proliférant, donc qui est déconnecté du canal réincarnationnel, puis qui maintenant a la capacité de grimper, traverse le plan astral, traverse le plan mental, traverse le plan supramental, traverse le plan bouddhique, traverse le plan, gagne le plan de l'intentionnalité. À un moment donné, c'est avec ça qu'il va commencer à travailler. Alors là, on a terminé, c'est-à-dire on a maturé le plan mental. Il n'y a pas d'homme encore sur la planète à ce moment-là. Non. Okay. Il n'y a même pas de planète. Okay. Là, on va former le plan astral parallèlement à... Le plan astral apparaît il y a à peu près 4 milliards d'années. OK. À ce moment-là, ça c'est dans une galaxie. Il y a... C'est similaire dans toute la création. C'est similaire, ça se fait en même temps, graduellement. Il y a des endroits où il y a des êtres qui ont cessé leur effusion dans la galaxie. Et ces êtres-là qui ont cessé leur effusion dans la galaxie, ce sont des êtres qui ne vivent pas sur des planètes, mais qui vivent sur des soleils. Pour l'être humain, vivre sur un soleil, c'est une vraie farce. Tu as déjà essayé de coucher dans ton micro-ondes? Excuse, Daniel. Oui. Non, je n'ai pas essayé. Non. Mais j'avais une question là. Je disais oui, j'étais sceptique. C'est parce que j'étais déjà rendu dans ma prochaine question. OK. Ça se peut, là, on parle toujours au niveau astral. L'homme est avec d'apparaître. Là. Mais moi, je parle, ça, c'est dans une galaxie, dans la nôtre, OK, qui fait partie d'un univers dont il y a plusieurs galaxies. En même temps, les mêmes choses se produisent. La Terre n'est pas formée, comme tu dis, elle est avec d'être formée. Mais dans les autres galaxies, est-ce que la Terre, est-ce qu'ils ont une planète qui se comparerait à notre Terre, qui est avec aussi d'être formée? Bon, il y a plusieurs planètes en formation dans d'autres galaxies. OK. Maintenant, on sait qu'il y a d'innombrables galaxies, des millions de galaxies dans notre univers. Est-ce que chacune de ceux-là a une planète? Est-ce que chaque galaxie a sa planète Terre? Oui. Pas la Terre comme on la connaît, mais... Non. Oui. Mais sensiblement, pas pareil, mais sensiblement, pour atteindre... Avec des unités carbone capables de toucher la conscience à un moment donné. C'est ça. Oui. Est-ce que... notre galaxie est plus avancée que les autres pour quelque raison que ce soit. Quand je parle d'avancée, ma question n'est pas correcte. Ce que je veux dire, c'est est-ce que pour la création de l'homme, notre planète est plus adéquate que les autres, à ce moment-là, là, est-ce qu'elle est plus adéquate que les autres planètes similaires dans les autres galaxies? Notre planète, c'est la meilleure planète. Okay. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que sur la Terre, on est capable de trouver des peuples idolâtres, des êtres qui vont marcher sur la Lune. On est capable de trouver des personnes extraordinairement pauvres ou qui vivent encore à l'époque de l'âge de pierre et des personnes qui ne peuvent pas respirer sans un ordinateur. Parce qu'on est capable de trouver des endroits où la femme est supérieure à l'homme et d'autres endroits où la femme est totalement soumise et elle accepte son rôle. Parce qu'on est capable de trouver des endroits où on parle de paix, alors qu'ailleurs, on s'entretue, ça fait partie même de l'évolution naturelle des choses que tue le monde. Parce qu'on est capable d'avoir des sociétés écologiques qui autorisent encore la chasse. On a une planète absolument extraordinaire parce que à peu près tous les âges de l'évolution d'une unité carbone et de sa conscience et de son âme sont trouvables sur cette seule planète. Parce qu'on est capable d'avoir à peu près tous les points de vue différents à travers les unités carbone, de médiocrité, d'infériorité, de supériorité, de tout ce que l'on voudra. Parce qu'on est capable de partir du Pidjan Jara d'Australie qui essaye encore d'allumer son feu avec ses roches. Puis pendant ce temps-là, on vient atterrir dans un aéroport avec une navette qui arrive de l'espace sur la même planète. Cette planète-là, au niveau du point de vue des schémas permettant la naissance de l'écœurement, c'est génial. OK. Là, on était rendu au niveau astral, mais toi, tu es tout de suite avec la Terre, les ordinateurs. C'est, okay. C'est parfait. Vous avez choisi la bonne planète. Comme disait quelqu'un, l'école est peut-être dure, mais les personnes qui sortent sont puissantes. Hein? Le marteau brise le cristal, mais il forge l'acier. Mais quand on va être forgé, c'est vrai qu'on va leur compter ce qu'on a à leur compter. OK. Mais, alors... Est-ce que tu as mentionné que la planète est l'endroit le plus adéquat pour l'homme dans notre univers? Pour un véhicule ascendant, oui. OK. Sauf que l'être humain est limité. Il ne pourra pas atteindre tous les paliers. Présentement. On pourra revenir après, mais je le dis. Présentement. Tout le temps. L'homme, la femme, l'enfant n'aura jamais accès au plan bouddhique, ni au plan intentionnel, plan divin. Sauf. Il allait protester, mais... sauf s'il est capable de se créer des alliances avec des êtres qui n'ont pas la solidité nécessaire pour descendre dans la matière, mais qui, eux, font partie des mécaniques qui permettent le contact entre le plan supramental, bouddhique et divin. Et c'est ce que l'être humain est en train de faire en se créant un double éthérique. Est-ce que c'est ce qui s'est produit lorsque l'effusion de Michael s'est faite? L'effusion de Michael, c'est... Oui, oui, ben c'est ça. L'effusion de Michael, là, je réponds à ta question, mais il faut expliquer un peu. L'effusion de Michael, c'est un processus donc descendant qui s'effuse, qui se perd en fusion, qui vient s'écraser sur la tête d'une unité carbone qui s'appelait Jésus. Et lui va psychologiquement accepter le contact après 10 à 15 ans de pourparlers intensifs. Et puis par la suite, effectivement, il y aura fusion, donc il y aura christification. Sauf que l'unité carbone a servi pour certaines choses, mais l'ego de Jésus, etc., ça n'a pas été sauvé, ça n'a pas été amené, ça a été abandonné sur la croix. Bon, si on revient au niveau où on était, là, 4 milliards d'années, on est avancé. L'astral est en train de s'instaurer. L'astral est en train de se former. Maintenant, je t'arrête je fais une nuance entre l'astral humain apparaît en Atlantide, mais le monde astral est déjà là. Okay. L'astral humain apparaît en Atlantide, okay. Fin Lémurie avec le sang, etc. Et donc, c'est pas une contradiction. Là, on parle de l'instauration au niveau cosmique. Puis après ça, on verra l'instauration au niveau humain. Ce que tu dis, est-ce qu'on pourrait l'exprimer en disant qu'avant l'Atlantide, c'était la partie mentale de l'astral qui était formée? Surtout vitale. La partie mentale, non, même pas, presque pas. C'est la partie vitale qui est en train de se créer. Okay. Mais il faut comprendre une chose, c'est que l'astral a été créé avec une enveloppe mentale de surface puis une enveloppe astrale intérieure. Oui. Puis lentement, l'astral va gonfler avec l'expérience émotive de l'âme. Ça devient le gros ciel que l'on connaît aujourd'hui. Et chaque partie mentale tient à, c'est-à-dire a tendance à s'accoler à la partie mentale. Oui, puis c'est elle qui va faire le contact avec le plan supramental qui est en haut. Okay. Alors là, on arrive au moment où la présence de l'homme est nécessaire sur la planète, je pense. Pour faire avancer le plan astral. Je m'excuse, je n'ai pas compris. C'est ce que la planète a pensé. Maintenant, elle regrette, mais à l'époque, elle pensait que l'homme était nécessaire. On y reviendra plus tard. Alors là, on arrive au moment où l'homme, on voit une nécessité de faire apparaître l'homme tel qu'il a apparu, soit en Lémurie, et ainsi de suite. OK, pour déspiritualiser la chose, évidemment, il n'y a pas de « on » intentionnel tel quel. Évidemment, ça fait partie des processus de hiérarchie créative. Des mécanismes. Exactement. Et ce n'était pas l'homme qu'il fallait créer. Il fallait créer un véhicule planétaire capable de supporter de la conscience. Alors, il y a eu les acides aminés, il y a eu l'organicisation des choses, on a créé des véhicules organiques, et progressivement, les véhicules organiques s'adaptaient tant bien que mal aux conditions planétaires. Il y a eu l'intervention de mécanique éolimique, il y a eu l'intervention de mécanique etc., pour pouvoir gérer et la cristallisation des continents et la tectonisation des plaques. Il y a eu des mécaniques, évidemment, qui ont permis d'envisager la dérive même des continents par rapport à la dérive des champs magnétiques qui sont pour le nord, pour le sud, etc. Il a fallu, à un moment donné, qu'on replace l'angle planétaire de 23,5 d'un côté à ce qu'on connaît actuellement au niveau des pôles pour pouvoir centrer le champ magnétique de façon à permettre l'entrée de certaines particules cosmiques qui permettraient l'énergisation convenable, une mutation génétique convenable des animaux. Par la suite, il y aura sexualisation des véhicules animaux. Il y aura progressivement l'élaboration d'un véhicule vertical, d'une colonne vertébrale, élaboration d'un centre laryngé, d'un centre cérébral. Et l'animal qui, dans son évolution darwinienne, est parvenu à vivre cela, il y a eu beaucoup, beaucoup d'aide au niveau des mutations génétiques en laboratoire, c'est devenu le véhicule qui a été adopté. Quand le véhicule est adopté, maintenant, il va y avoir des contacts entre des mécaniques extraterrestres. Il y a eu des contacts malencontreux des mécaniques extraterrestres. Et il va y avoir maintenant apparition d'un contexte psycho-émotif à l'intérieur de l'homme, fin Lémurie, début Atlantide. Et il y a encore des extraterrestres qui restent là à l'époque, dont Noé et quelques autres. Et progressivement, on va voir se personnifier le véhicule humain, devenir une personne. Et là, ça sera l'homme. Mais ce n'était pas prévu comme ça nécessairement. C'est en fonction de la planète. Les mécaniques ont fait que c'est arrivé ainsi. C'est ça. Okay. Bon, si on arrête à ce moment-ci, là, tu es rendu en Lémurie, je pense. Hein? Au début de la Lémurie? Quand c'est créé au complet. Quand l'homme est là, oui, fin Lémurie. Fin Lémurie. Bon, OK. On arrête ça pour un instant. On va aller voir ce qui se passe pendant ce temps-là dans les autres galaxies qui étaient parallèlement, vibratoirement, dans le même état que notre galaxie, on vient de voir la planète, la planète Terre, qu'est-ce qui arrive? OK, quelle planète? Qu'est-ce qui arrive? Je ne veux pas avoir les noms, là, mais qu'est-ce qui se produit sur les deux, trois galaxies qui nous rapprochent le plus, qui sont sensiblement au niveau vibration, dans le même degré? Les rapprochements qui existent, les rapprochements effusionnels. Nous, en termes de conscience, on descend et on vient s'implanter dans un contexte planétaire. En termes de conscience, c'est-à-dire que l'animal humain vit ici, mais ce qui gère l'animal humain, c'est de la conscience, c'est de l'intelligence, c'est nous autres. Mais nous autres, quand on descend dans le corps physique, la majorité de vous autres, quand vous descendez dans votre corps physique, vous ne savez plus discerner entre l'acteur, c'est-à-dire la mémoire des contacts de conscience et la conscience. Ton intelligence vient de parler, ton ego, l'acteur, a l'impression que c'est une voix qui vient lui parler, puis là, la personne va dire, on m'a dit, j'ai entendu, j'ai des voix, j'ai rencontré Dieu, etc., alors qu'en réalité, c'était la vraie personne qui est venue donner des informations. Pendant ce temps-là, ici, vu que ce qui descend ici est beaucoup trop puissant, et de par sa nature, tout ce qui descend ne peut pas être effusé dans un corps de chair, ça va se diviser et ça va s'implanter dans d'autres contextes galactiques. Donc, même dans notre galaxie, on a d'autres planètes, et ça va s'implanter dans d'autres contextes. Dans certains cas, on placé ici, ça sera sur des soleils. Alors, il y a des êtres qui vivent sur des soleils. C'est évident que si je dis qu'il y a des êtres qui vivent dans l'eau, vous allez dire, tu parles des poissons. Et si vous ne connaissez pas les poissons, vous allez penser à l'homme qui vit dans l'eau. Vous allez dire, voyons, non, ça n'a pas de sens, il ne peut pas respirer. Il y a des êtres qui vivent dans des endroits extraordinairement chauds. Il y a des êtres qui vivent sur le soleil, mais évidemment, ce n'est pas des unités carbone. C'est au niveau de la conscience, au niveau de la forme, il n'y en a pas. Alors, on va laisser tomber le soleil de ceux qui vivent sur d'autres soleils présentement, et on parlait de ceux qui sont confinés à vivre une évolution sur d'autres planètes. Il y a des planètes qui sont assez similaires à la Terre et qui, par contre, n'ont pas vécu d'implantation comme la nôtre. On doit comprendre que la planète Terre a été une source absolument phénoménale, et c'est ce qui va arriver encore pour ceux qui seront transportables. La planète Terre a toujours été une source phénoménale de solidification des génétiques, donc de l'organisation complexe des mécaniques carbone organique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de cela quelques 35 000 ans, on prend ça comme exemple, il y avait des corps physiques, de rares corps physiques, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'égo, les corps physiques n'étaient pas très raffinés, mais n'avaient pas trop été détruits, ils étaient beaucoup plus purs. Alors, on a pris des corps physiques des êtres humains et on les a amenés ailleurs, sur ces planètes-là. En les amenant sur ces planètes-là, et comment on les a amenés? On les a amenés simplement parce que tout le système à l'époque n'était pas refroidi comme aujourd'hui, et on les a amenés par des transports matériels qui, aujourd'hui, ne pourraient pas, ne seraient pas assez solides pour supporter la densité émotive de l'homme. Physiquement, ils peuvent le supporter. La densité émotive de l'homme, non. En Atlantide, on parle d'une science de cristaux. Par exemple, l'être humain est touché à des cristals, puis les portes s'ouvraient, des choses comme ça. C'était une science de résonance magnétique, c'est-à-dire que les cristaux servaient d'interpréteurs actionnels. Donc, l'être humain, lui, avait la volonté d'ouvrir une porte. En touchant un cristal, le cristal devenait un amplificateur de la volonté, et la porte automatiquement commençait à bouger. Alors, on avait la capacité de s'élever dans les airs, de construire des choses, etc. Bon. Les transporteurs, par contre, quand je dis les transporteurs n'étaient pas suffisamment solides pour résister à ta densité émotive, psychologique, c'est que si tu es tout bouleversé astralement quand tu viens pour ouvrir la porte parce que tu es fou comme un balai d'ouvrir une porte sans voir et y toucher, et en même temps, tu as peur, tu n'es pas sûr, etc., tu es superstitieux, quand tu y touches, la porte se met à tout fonctionne de travers. Les êtres humains ont donc été amenés, pas enlevés, amenés. Ils ont été amenés sur ces planètes-là, et sur ces planètes-là, n'ayant pas le contexte astral déjà émancipé ici, à partir de la Terre blanche, qui est le Québec, aller jusqu'à la fin Lémurie, début Atlantide, en arrivant sur ces planètes-là ici, planètes sélectionnées, parce que la planète a à peu près la même âge, à quelques milliers d'années près de la Terre, et parce que ses constituants sont les mêmes, Et parce que son soleil est un soleil moyen, soleil jaune, ce qui arrive, ce qui va être engendré du point de vue écosystème sur cette planète-là est très similaire à celle-ci. Ils peuvent vivre là. De temps en temps, les quantités d'azote sont plus faibles, les quantités d'oxygène un peu plus fortes, les quantités d'hydrogène différentes, etc. Bon. L'être humain s'adapte ici, et ça va créer des races dites supérieures. Dites. Supérieures à quoi? À l'homme. À l'homme. Et je dis bien des races dites supérieures et non pas des races supérieures. Pourquoi des races dites supérieures, on va dire supérieures pour l'instant, du point de vue de la vision émotive de l'homme? Parce que ces êtres-là amenés là n'ont pas à vivre sous le joug du cinéma astral des intraterrestres, parce qu'il n'y en a pas là, et ils n'ont pas à vivre sous le joug des archétypes des religions des ancêtres, etc., parce qu'ils viennent de vivre une expérience qui leur permet, probablement, évidemment, ils ont été sélectionnés, vivre une expérience qui leur permet de comprendre des choses. C'est sûr que quand ils ont été transportés, c'est pas un vaisseau qui est arrivé, qui a une porte électrique, puis les personnes sont sorties avec des boutons en lumière, puis ils leur ont dit, écoutez, vous allez venir avec nous. Les personnes sont rentrées dans un temple, dans un endroit particulier de la forêt, et puis là, ils ont commencé à prier, ils ont commencé à faire des choses correctes, et subitement, quand ils sont sortis de leur forêt, ils étaient sur un autre monde. Et on retrouve encore des traces de ces transports-là de l'époque, où on aura des endroits où il n'y a plus rien qui pousse depuis des milliers d'années. Parce qu'il y a un canal qui est descendu là à un moment donné, les personnages ont été amenés. Bon, mais sur la nouvelle planète, étant donné que c'était un peuple religieux au départ, déconnecté de leurs égrégores, avec des dieux plus vivants, c'est-à-dire que sur l'autre planète, ils ont rencontré des messagers, des mécaniques style Jéhovic ou Yavik, qui les ont rencontrés puis qui les ont instruits, qui les ont formés. Ces personnages-là font partie de la majorité des groupements extraterrestres qui peuvent venir visiter la planète Terre et qui nous rencontreront à un moment donné. Alors, technologiquement, ils ont certaines formes d'avance, parce qu'ils ont sauté quelques 30 000 ans, 40 000 ans. OK. Ces galaxies-là, parallèlement à la nôtre, dans laquelle ils sont présentement, ont eu une évolution qui s'est faite en même temps que la nôtre. Lorsque nous, on a développé, c'est-à-dire, pas on a, mais comment est-ce que tu me disais? Maturé. Qu'on a maturé un plan, notre plan astral, qu'est-ce que c'est qui se maturait sur cette planète-là pendant... Quand nous, on travaille le plan astral pendant des milliers d'années, eux, c'est le plan mental et le plan supramental déjà qui sont en train de travailler. Mais la majorité des phénomènes extraterrestres vont développer d'une façon aussi grande que la nôtre, que nous, on a développé le plan astral, eux vont développer le plan mental. Ces individus-là qui auraient quitté la planète Terre pour aller dans ces autres planètes avaient une âme en formation, une âme formée? Oui, une âme presque pure, parce qu'elle était justement en formation, donc elle n'était pas pleine. Et puis, ils ne l'ont pas semée sur leur planète? Ils l'ont semée. La seule chose qu'il y a, c'est que ce qu'ils ont semé, c'est une âme pure. Et c'est pourquoi on les amena sur une planète où l'astralité n'est pas émotivisée, parce qu'il n'y a pas rien, pas eu d'humain encore là-dessus. Ces personnages-là vont donc être capables de développer un plan mental qui a du cœur, dans la majorité des cas. Alors, ils ont semé, ça crée un phénomène astral atténuateur du plan mental. Ils ne deviennent pas des mentalisateurs, ils deviennent de très hauts scientifiques, de très grands techniciens et techniciennes, avec la capacité d'être doux. OK, c'est avec la capacité d'avoir accès au plan bouddhique. Douceur? Avec la capacité d'être extrêmement similaire à quelqu'un qui a accès au plan bouddhique. OK. Quelle est la différence? Ben, ils sont doux parce que leur astral est pur, mais ils ne sont pas reliés au plan bouddhique. OK. Qu'est-ce qui leur manque pour être reliés au plan bouddhique? Le contact avec l'homme. Pour quelle raison? Pour la simple raison que pour se relier au plan bouddhique, ils doivent absolument être capables d'avoir un ajusteur de pensée. Et l'ajusteur de pensée est quelque chose qui se détache de l'âme uniquement sous le stress de l'écœurement. Et ces peuples-là ne vivent pas d'écœurement, donc ils doivent attendre après l'homme. Les rares fois qu'ils sont intervenus pour essayer d'accélérer le processus de l'homme, l'homme en a fait une religion. Donc ils veulent plus venir, ils ne se présentent, il n'y a pas d'extraterrestre qui se tient debout, qui va se présenter devant un être humain dans l'année qui vient puis dans les années qui vont suivre. Il n'y a pas un extraterrestre qui va se présenter devant un être humain qui a trop de spiritualité encore chez lui, qui a trop d'astral chez lui, parce que chaque fois que, que ces êtres-là se sont présentés, l'humain en a fait des religions. OK. L'homme qui a été choisi, est-ce que c'est, on parle de milliers d'individus? On parle du premier transport autour de 144 000 élus. Puis quand on parle d'élu, je répète qu'élu vient du mot élire, qui vient du mot élite. Et l'élu est donc l'élite. Puis l'élite, ce n'est pas l'élite sociale, mais ce n'est pas une question d'élection. Quand on fait des élections, on vote pour l'élite, pour les meilleurs. Alors, 144 853 élites lors du premier transport. Est-ce que ces élus-là, le groupe faisant partie de cette élite-là, avaient réincarné la planète ou ils avaient incarné la planète? C'est intéressant. Ils ont incarné. Ils se sont incarnés dans la planète avec des mécaniques réincarnationnelles qui venaient leur permettre un ajustement. Un peu comme tu plantes un arbre, mais tu as rajouté de la roche, du trou que tu as creusé pour qu'il ne tombe pas tout de suite, ou un poteau que tu vas planter, le poteau ne vient pas du sol, tu fais un gros trou autour de la roche, tu mets le poteau, là, tu remets de la roche à côté, puis tu t'approches ça comme il faut. Alors, les mécaniques, la conscience, donc, s'incarne dans le corps. Ce n'est pas tout à fait la conscience, mais ces processus-là s'incarnent dans le corps physique, en même temps que des réincarnations du monde astral, de façon à créer un équilibre. De façon à créer un équilibre, et à travers ce que tu expliques, je vois aussi une autre chose, c'est aussi pour apporter quelque chose d'ici, là-bas. Oui, absolument. Pour semer quelque chose, pour... D'ailleurs, c'est ce qui arrive, on a des contacts séraphiques à partir du centre coronal avec ces autres mondes. Et le problème souvent de l'humain, c'est que quand l'humain n'est pas suffisamment maître chez lui, quand l'humain n'a pas suffisamment de conscience, quand l'humain arrive à un certain degré d'énergie, subitement, il y a une partie de l'énergie, un quantum d'énergie, donc une quantité d'énergie, qui décolle à travers le transport séraphique, qui s'en va informer et nourrir ces autres mondes-là, puis toi, tu te redescends un peu où tu étais parti. Si l'être humain travaille sur, autrement que sur les symptômes secondaires de l'évolution, donc sur ce que les ésotéristes parlent ou ce que les religions parlent, tous les symptômes secondaires, si l'être humain travaille réellement sur sa conscience, sa conscience, donc sa conscientisation, si l'être humain travaille à rester centré chez lui, bien, à un moment donné, même si on lui prend un peu d'énergie, ça devient une communication, donc il reçoit de l'énergie en retour, ça devient une synergie. L'homme peut et va et se doit de transcender tous ces mécanismes-là. Oui, puis l'homme doit absolument, même à travers sa conscience, l'homme doit absolument ne pas se mettre à genoux devant ces êtres contactés, parce qu'automatiquement, le contact se coupe. Et là, le problème, c'est que si tu commences à avoir un contact séraphique avec des extraterrestres, si tu penses qu'ils sont supérieurs à toi, hein, je répète que c'est des terrestres extra que les extraterrestres doivent rencontrer, sans ça, il y aura un problème. Et si tu te mets même psychologiquement à genoux, même mentalement à genoux, énergétiquement à genoux, si tu plies un peu le dos devant eux, automatiquement, ils coupent, tu n'es pas un bon potentiel, ils vont entendre. Mais là, ce qui va arriver, c'est que l'ego de l'homme, de la femme, de l'enfant, ayant touché au contact, va tout faire pour rétablir le contact, c'est-à-dire qu'il va se reconnecter quelque part dans l'astral, et il va maintenant rentrer dans la mécanique, il va s'illusionner d'être toujours en contact. Donc, il est plus. Tantôt, tu as mentionné que ça s'est fait dans le temps de la Lémurie, surtout. Fin Lémurie, début Atlantique. Maintenant, on a noté ici, sur la planète, dans notre air, un groupe de 1600 individus qui ont quitté la planète. Oui. Il y a X temps. Même dans ce qui fait partie du Canada aujourd'hui, c'était une troupe indienne, c'est-à-dire pas indienne, mais autochtone, je ne sais pas comment les appeler. Autochtone. Autochtone, sur la côte ouest du Canada. C'est tous les autochtones qui vivent la planète, hein? Oui. Mais est-ce que ce groupe... Non. Qu'est-ce qui est arrivé à ce groupe? Non, je fais eux, ils n'ont pas été amenés, eux, ils ont été enlevés. Quelle est la différence? La différence, c'est que si je t'amène avec moi, c'est parce que tu veux venir. Si je t'enlève, c'est parce que tu ne veux pas venir. La différence, c'est que si je t'amène avec moi, on va quelque part que ça te plaît. Si je t'enlève, on va quelque part où ça ne te plaît pas. Eux, à ce moment-là, excuse Daniel, eux, à ce moment-là, ça voudrait dire que c'était des réincarnés qui avaient leur âme dans leur totalité pour le temps de la planète. Leur âme était formée selon la normalité de la planète Terre à ce moment-là. Bon, pas tout à fait. Non. Que oui, oui. Mais c'est pas si important. En tout cas, ça n'a pas une grande valeur du point de vue de l'âme. C'est effectivement, je le dis pour tout le monde, pour l'astral, pas nécessairement pour toi. L'âme est informée au maximum des possibilités planétaires, ça ne veut pas dire que c'est extraordinaire comme formation. Okay? C'est juste ça la différence. Et ces personnages-là ne sont pas partis, mais sont partis. Ils ont été enlevés, puis sont descendus sous terre. Ah bon. C'est pour ça que certains initiés sur la planète sont en crise que ça soit arrivé. Oui, parce que c'est des extraterrestres qu'ils ont carrément kidnappés. OK. Bon. Depuis ce temps-là, cette tribu-là, il n'y a plus personne qui travaille dans les égouts. Hein? Ils font des ponts. Une autre question qui me vient. Est-ce que lorsqu'on les a enlevés, on aurait enlevé en même temps des parties du sol, soit des arbres, de la terre, des roches? Ça s'est fait, ils ont pris un gros morceau et ils sont partis avec. Bon. Pas tout à fait. On a enlevé effectivement des roches, on a enlevé des arbres, on a enlevé les animaux qu'il y avait autour, on a enlevé... On a essayé de ramasser le maximum. Ce qu'on a fait, exactement comme quand on attrape des lions, puis qu'on les met dans un zoo pour les étudier. C'est sûr qu'il faut que tu ramènes un peu du paysage où ils vivent, parce que ça crée un gros problème. Alors, c'est pas... c'est comme tu dis, mais c'est pas une grosse pelle mécanique à ramasser les individus en même temps que tout leur sol. Mais on a effectivement ramené énormément de tout ce qu'eux connaissaient là. Puis on a créé un endroit où ils pourraient vivre de la même façon. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec l'Arche de Noé? Oui. Sauf que c'est pas... On peut faire un parallèle, mais les deux Arches de Noé, c'est pas ça. Mais il y a eu plusieurs Arches dans les traditions. Faisons le parallèle et donne-nous la différence entre les deux. Bon, premièrement, les intraterrestres ont travaillé énormément sur le contexte planétaire dans ces époques-là, puis ça date de pas si longtemps que ça. Ben, ça date, évidemment, là, mais quand on parle quelques milliards d'années. Quelques centaines d'années. C'est ça, c'est vraiment très. Pas Noé, là, mais les autres. C'est ça, évidemment. Alors, ce qui arrive, c'est que les intraterrestres ont travaillé beaucoup au niveau génétique. Pendant longtemps, les intraterrestres ont essayé de s'associer génétiquement avec des animaux. Ça n'a jamais donné, ça a donné les gargouilles, ça a donné un paquet de les loups-garous, ça a donné des choses comme des vampires, bon. Les intraterrestres, progressivement, ont commencé à vouloir s'adresser à l'humain. Et ils ont donc travaillé génétiquement avec les humains. Ils ont travaillé en contact avec les humains. Les autochtones, souvent, pensaient que c'était des divinités, etc. Et puis, à un moment donné, eh bien, il y a une grande, grande partie de, justement, ces individus-là, mais c'est pas arrivé juste là, c'est arrivé aussi ailleurs, où on a pris tout ça complet, puis on les a amenés dans le but de rapatrier le laboratoire. Bon. En même temps, dans le but de préserver ce qui avait été fait au niveau génétique. On était parvenu à créer des êtres humains qui avaient une résonance astrale suffisamment calme, suffisamment pure, pour ne pas trop altérer les corps physiques à travers la croissance. Exactement comme si on crée aujourd'hui un enfant avec une âme qui ne peut presque pas être manipulée pour être agressée. Donc, le corps va pouvoir suivre sa maturité en fonction de sa génétique de la façon la plus parfaite, sans être agressé et coloré par l'astral. Ce qu'eux étaient parvenus à faire. Maintenant, pour préserver l'intégrité du corps, il fallait donc préserver l'intégrité de l'âme. Pour préserver l'intégrité de l'âme, il fallait essayer de soustraire la mécanique astrale de ce peuple-là, de ce groupe-là, de ce clan-là, aux agressions astrales extérieures, et c'est pourquoi ils ont ramassé l'affaire au complet. Noé, lui, c'est qu'il a pris tous ces animaux, génétiquement, il tripotait les animaux. Il essayait surtout de travailler sur le chat et le chien, quelques autres animaux. Et à un moment donné, parce que l'atmosphère gazeuse de la planète Terre était pour s'effondrer, il n'y avait pas d'eau encore à l'époque sur la Terre, et le soleil n'était pas visible non plus. Alors lui, là, il a créé des deux immenses arches, et lui aussi, il a mis ses laboratoires génétiques là-dedans, dans le but de préserver ses laboratoires. Puis quand l'eau est tombée, bien là, évidemment, les arches sont parties. La plus basse s'est ramassée en Terre de Feu, la plus haute s'est ramassée en Turquie. Bon. Alors, en termes de parallèle, on peut faire comme ça, comme parallèle. Sauf que l'arche de Noé dont on parle dans la Bible n'est pas un kidnapping intraterrestre de l'époque. C'est pour ça que je dis que dans différentes... Une personne fouille dans l'astral, puis elle voit quelque chose comme ça, les relations sont faciles à faire, parce que dans l'astral, tout est coloré. Alors, si on veut t'acheter t'arracher des griffes chrétiennes, on va te faire voir quelque chose d'autre, puis on va te donner une explication chrétienne pour que tu puisses comprendre ça. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs à Claude Vorillon. C'est lui qui a formé le mouvement raélien. C'est justement... Oui, c'est pas la réalité qui compte. OK. Si on revient à ton petit dessin que tu as fait tantôt, là, lorsque l'énergie descend et puis qu'elle n'est pas apte à être captée par l'homme. Dans certains cas, elle sert soit de paratonnerre ou de ground, de... Mise à la terre. Mise à la terre. Terrestrificateur, pour faire ésotérique. J'aime mieux ground. C'est plus spécifique pour moi. Et puis, est-ce que cette énergie a une saveur de la planète Terre lorsqu'elle se dirige vers les autres? Bon, ce qu'on doit comprendre, c'est très important, on parle toujours de faisceaux d'énergie qui descendent. Mais c'est une atmosphère. Alors, présentement, je peux te dire qu'il y a de l'oxygène qui rentre par ta bouche, qui va dans ton système respiratoire, dans tes poumons. Mais en même temps, il y a aussi de l'azote. Sauf que l'azote, tu ne la fixes pas. Elle rentre, elle sort. Il y a du gaz carbonique, tu ne le fixes pas, ça rentre, ça sort. Si à un moment donné, on met du monoxyde de carbone dans l'air, il va en entrer en même temps que l'oxygène. Mais là, l'oxygène ne sera plus fixé, c'est le monoxyde de carbone qui va être fixé. Et tu vas t'intoxiquer, tu vas mourir. Bon. Les atmosphères, c'est la même chose, c'est-à-dire que présentement, l'énergie supramentale, il est là. La majorité des gens, par leur respiration énergétique, des corps inférieurs, ne respirent pas le plan supramental. Ils vont respirer le plan astral, un peu le plan mental. Si tu rencontres un plan astral extraordinairement inférieur, comme l'oxygène, c'est O2, le monoxyde de carbone, tu as de l'oxygène après ça. Hein? C'est du CO. Mais CO, CO2, CO. Mais tu ne peux pas le fixer. Tu le fixes plus que l'oxygène. L'individu qui énergétiquement respire du très très bas astral peut s'intoxiquer de la même façon que celui qui respire de l'oxygène, du monoxyde de carbone, au lieu de l'oxygène. Alors, les atmosphères sont toujours là. L'énergie ne descend pas à un moment donné. Elle est toujours là. Juste pour faire la nuance. Le plan supramental, il y en a partout. Ce qu'on dit Dieu est partout, mais même énergétiquement, ça te traverse de bord en bord. Mais Satan est partout. On baigne dedans. C'est-à-dire que, moi, si ma question... Ça fait référence à l'escouade d'intervention des évaluateurs. Ils baignent dedans. Mais je ne vais pas faire leur escouade, c'est suffisant. Je te suis pas, là. Non, mais... c'est parce que j'ai des amis qui n'ont pas lu. Bon. Parce que ma question suivante était pour être, s'il y a saveur, les gens qui ont été... qui ont volontairement ont quitté la planète pour aller sur les autres planètes, sont abreuvés de leur planète d'origine. Oui. Mais à l'époque où on les a amenés, ça fait longtemps, à l'époque où on les a amenés, l'astral n'était pas tellement développé et ces corps-là étaient des corps élitiques au point de vue génétique. Est-ce que c'était nécessaire pour les transporter? Que les corps soient très évolués, oui, pour être capable de supporter le choc psychologique des révélations qui étaient pour s'offrir à eux autres rendues sur leur autre monde. Okay. Ce n'est pas physique, c'est astralement parlant. C'est-à-dire que le corps physique, c'est important, parce que si psychologiquement tu as trop peur, ton cœur va accélérer, puis si ta physiologie n'est pas capable de le supporter, tu vas mourir. Donc, il fallait que les corps soient suffisamment solides pour supporter les stress de la psychologie, même si elle est pure. Un ego, ça reste un ego, devant du neuf, c'est terrorisé. Alors, c'est sûr que la transition s'est faite d'une façon très religieuse. Parce qu'eux autres s'attendaient à voir, c'est ça qui est venu chercher. Bon. Mais n'empêche qu'ils ont pris l'élitisme au niveau des corps physiques, ce qui a permis sur ces planètes-là d'engendrer des peuples qui ont eu une évolution technologique extraordinairement plus rapide, une évolution scientifique avec quelques hauts et bas, où il y avait effectivement des problèmes de possibilité de confrontation globale armée, de probabilité de destruction de planètes. D'ailleurs, il y a certaines planètes qui ont totalement été anéanties du point de vue écosystématique, par des guerres de ces personnages-là. Mais il y a quelques planètes qui ont survécu, qui aujourd'hui ne peuvent pas psychologiquement envisager... Tu vas leur dire simplement, il y a une guerre à telle place, puis pour leur faire comprendre c'est quoi une guerre, faut que tu travailles beaucoup. Là, tu vas leur montrer des photos, puis ils ne comprendront pas c'est quoi une guerre, ils vont dire, « Hey, mais ça n'a pas d'allure, ils se tuent. » Tu dis, « Oui, c'est ça la guerre. » Ils ne comprendront pas plus. Ils n'ont pas de structure astrale de destructeur. Est-ce qu'ils étaient sexués lorsqu'ils ont... Certains l'étaient, certains ne l'étaient pas. Certains l'étaient, mais étaient stériles. En dehors de notre planète, c'est une grosse question, ceci. En dehors de notre planète, quelle pourrait être la population de la planète la plus polluée, la plus populée? Populeuse. Polluée par l'humain. pas énorme. On parle probablement de... Il y en a plusieurs. La plus populeuse, qui a de l'allure un peu, autour de 10 milliards d'êtres humains. Dont la source est la planète Terre. Oui. Comme ça, on pourrait dire que dans notre univers, ou est-ce qu'on pourrait dire que dans notre univers, la planète est réellement un laboratoire... Ah, c'est ce que c'est. C'est ce que c'est. Universel. Cosmique. Cosmique. Est-ce que le cosmos comprend les 7 super-univers? Oui. Ah, OK. À ce point-là. Les six autres super-univers... Parce qu'il faut comprendre qu'il y a énormément de transport au niveau de l'information qui se fait autrement qu'en prenant des corps physiques. Il y a énormément de contacts séraphiques qui se font sans arrêt entre d'autres galaxies, d'autres univers, d'autres super-univers de notre système, et sont informés. Donc, il y a des contacts qui se font sans arrêt. Et ça permet à ces personnalités-là d'avoir un accès. Quand je dis que l'être humain est la solution à la création, c'est pas uniquement avec nos petits bras et nos petites jambes là, qu'on est la solution à la création. C'est en tant que processus planétaire global qu'on est la solution à la création. C'est sûr qu'il y a des individus là-dedans qui auront des rôles particulièrement plaisants à jouer. Mais globalement, l'animal humain, ainsi que les rares êtres humains, font partie du processus salvateur de la création. Parce que c'est un milieu absolument extraordinaire de prolifération de toutes les espèces de probabilités de refroidissement d'une conscience évoluée. C'est la planète qui peut mettre au monde le plus d'imbéciles énergétiquement à travers toute la création. Je dis souvent que la Terre, c'est une grande asile psychiatrique. C'est un peu ça, évidemment, il y a des personnes là-dedans qui sont brillantes. Mais du point de vue du foyer, là, parce que nous, ce qui arrive souvent, c'est qu'on regarde sur notre vie. Mais prenez un... Faites un voyage astral, mais ce serait facile, mais on va dire, bon... Prenons l'exemple, tu prends un hélicoptère qui va assez rapidement, puis tu fais le tour de la planète, au compte, tu visites tous les pays, tant qu'on puisse te voir. Tu rentres dans les familles, tu vas partout sur la planète. Alors, les choses absolument phénoménales que vous ne pourriez même pas penser... Bon, dernièrement, il parlait, mais ça fait 10 ans que ça se fait sur la planète, ça, les jeunes là, qui se pendent pendant qu'ils se masturbent de façon à avoir plus de plaisir, puis il y en a évidemment qui meurent. La majorité des jeunes qui se droguent, il y a plusieurs qui se droguent, des invétérés, ils se droguent pour essayer d'aller sur le bord de la mort, puis d'en revenir. Un peu comme le film dernièrement qui est sorti, qui était, pour le titre, mais on te donne un électrochoc pour que tu puisses tomber en arrêt cardiaque, puis après ça, on te laisse 4 minutes... On attend, puis après ça, on essaie de te réanimer, puis bon. C'est un peu la même chose, mais si vous ne pourriez pas, en tant qu'être conscient, vous ne pouvez pas imaginer tout ce qui s'est fait et tout ce qui se fait sur la Terre. C'est absolument phénoménalement génial. Alors, c'est un atout extraordinaire pour l'univers, ou pour les 7 super-univers. Ou l'homme d'affaires qui parle. Oui, effectivement, c'est un atout extraordinaire. Est-ce que cette raison d'être serait la situation géographique, principalement, de la planète Terre? Ouais, on ne parle pas géographique de la Terre. Géo voulant dire sol, voulant dire Terre, mais distance, selon sa localisation dans les univers. Non, pourquoi? Parce que nous sommes en plein centre de la création. Peut-être sa localisation, si elle est en plein centre. Oui, mais le problème qu'il y a, c'est que toutes les galaxies sont en plein centre. Quelle est la raison? Parce qu'il n'y a pas de limite à la création. Quelle est la raison pour laquelle? Il est partout. Quelle est la raison pour laquelle c'est arrivé sur notre planète? Il n'y a pas de raison, parce que c'est comme ça. Mécaniquement parlant, ça avait arrivé comme ça. Oui, il y a eu des petits coups de pouce. On n'a pas envoyé des extraterrestres ici pour rien. Si on dit vibratoirement parlant, la planète était prête, selon la loi d'attraction, à être ce qu'elle devait être. Est-ce que ça serait juste? C'est spirituellement juste. Mais intelligemment, c'est pas ça, c'est fou. C'est plus accidentel que ça. C'est plus accidentel que ça, mais en même temps, c'est... Parce que les autres planètes ont une tellurie similaire à la nôtre. Donc, en partant, ça aurait pu être ailleurs. Et à force d'être ailleurs, le ailleurs a été ici. Par élimination? Pas par élimination. Simplement, qu'il te faut une planète, tu regardes, il y en a une, tu y vois, correct. Il n'y a pas de tri. La conscience supramentale, l'intelligence supramentale fait en sorte que tu n'analyses jamais, que tu n'étudies jamais, que tu n'expérimentes jamais. C'est instantané. Donc, il n'y a pas de raison explicable à l'homme du choix de cette planète. Pourquoi? Parce que ça va être, à un moment donné, on prend cette planète-là, c'est la meilleure. Pourquoi c'est la meilleure? Parce que c'est la meilleure. Et là, si on veut rationaliser le choix planétaire, on va encore devoir créer des mécaniques divinement intentionnelles parce que c'était la pire, parce que c'était la meilleure, parce que c'était la plus grande, parce que c'était la plus petite. On a déjà dit que la planète Terre était une des plus belles dans notre univers. C'est vrai. Tous ceux qui n'ont pas voyagé disent ça. Ceux qui ont voyagé. Par ceux qui ont voyagé. Oui, mais ceux qui ont voyagé, là, ils font comme dans un des livres que j'ai écrit, il n'y a pas d'autre terre, il n'y a pas d'autres hommes. Tous ceux qui partent, ils restent longtemps ailleurs. Puis quand ils reviennent, ils disent, il n'y a pas d'autre terre, il n'y a pas d'autres hommes. Ça permet à ceux qui sont là de ne pas trop crier. Merci, Daniel.